Passion classique avec Mathieu Giroux. Jouer une musique au piano ne nécessite qu'un manuel au début. Vous pouvez improviser au piano et reconnaître la similarité entre le do et le sol, mais aussi entre le fa et le la. La gamme de notes ne comporte que 8 notes. Les gammes sont juste répétées du plus grave au plus aigu. Il existe des logiciels qui permettent de s'entraîner sur son instrument de musique. Sinon, vous pouvez, avec le solfège, utiliser des partitions à jouer du musescore. Ne pas s'intéresser au solfège permet d'entendre la musique pour créer des notes avec son intuition. Ce qui se joue le plus facilement sont les musiques traditionnelles ou les grands thèmes de musique classique. Voici Owen Vossens, joué par Louis Armstrong et Kishore Kumar. Cette chanson peut se jouer de plein de manières différentes. And now when the saints go marching in. Si vous ne connaissez pas le solfège, vous pouvez apprendre les tablatures de guitare avec Tux Guitar. Il s'agit de ne pas s'ennuyer avec un instrument. Voici Giga pour violon de bas jouer la guitare. Thank you. envisager de lire toute partition à une seule main, puis toute partition à deux mains. Voici la lettre Alice qui peut se jouer pour savoir jouer à deux mains. On apprend d'abord le thème Élise, puis on essaie de comprendre comment s'enchaînent les morceaux de musique. Thank you. Thank you. lorsqu'on a appris son instrument, on rejoint un groupe pour répéter des parties de musique dans un ensemble volumineux. Voici les quatre premiers mouvements du Requiem de Mozart joué par SMCE. Comme son nom l'indique, le Requiem servait aux défunts. Cependant, Wolfgang Mozart a enjoué ce Requiem. L'humain demande à Dieu sa bénédiction pour les morts. Thank you. Oh. C'était Passion Classique avec Mathieu Giroux.